Selon la croyance populaire, l'âme est une forme d'entité invisible et impalpable qui quitte le corps, silencieusement, lors du décès. Moi, je dis que si l'âme existe, elle est effectivement invisible, impalpable, mais qu'elle ne quitte pas votre corps uniquement lors du décès. Effectivement, elle s'échappe de vous quotidiennement, petit à petit. Mais en plus d'être invisible et impalpable, elle fait du bruit. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ses analyses spirituelles ressemblent plus au scénario d'une pièce de théâtre burlesque ou même d'un épisode de Symphorien. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, cause... Pendragon said so. Go.

is no redemption, for I am forgiven. Given the power to reclaim the power left in the sea. Soif de nouvelle musique, de nouveaux sons, de nouveaux groupes? Le Gambrinus vous offre tout ça avec ses soirées les mardis de la relève. Tous les mardis, à 21h, viens découvrir des bands qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 17e édition mériteront plus de 10 000 $ en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de sa chanson sur les ondes de C'est Fou. Les mardis de la relève au Gambrinus, une collaboration studio Banzai, Long & McQuaid et studio Voxton. Ce mardi 22 avril, le Gambrinus reçoit Alexis Bournival, Joyce Auger et Yann Boissonneau. Les mardis de la relève au Gambrinus, un événement en production Joshua et C'est Fou 89.1. Pour mieux vivre et mieux naître, commençons par Connaître ensemble, l'émission des étudiantes en pratique sage-femme de l'UQTR. Connaître ensemble, tous les mercredis, de 10h à 11h, sur les ondes de C'est Fou. Écoutez-nous en rediffusion sur connaîtreensemble.com. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes dans la zone 89.1. Je ne souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 15 avril de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous, du moins en esprit ou en quelque chose du genre, jusqu'à 21h. Vous allez entendre un long bloc d'introduction d'émission qui durait, ma foi, plus de 27 minutes. Avant cette pause publicitaire, nous avons entendu la formation, ma foi, fort explosive par moment, Biomechanical, une formation britannique. Et la pièce Assaulter que l'on retrouve sur The Empires of the World qui est parue en 2005 sur l'étiquette E-Rake Records. Il est à noter que cette formation existe depuis 2001, mais qu'elle n'a que trois albums à son actif, trois albums complets studio. Le dernier date de 2008, donc ils ne sont pas très productifs. Exodus auparavant, vous les avez reconnus, bien entendu, avec la pièce Funeral Hymn, que l'on retrouve sur The Atrocity Exhibition, Exhibit Hey, qui est paru en 2007 sur l'étiquette Nuclear Blast, Slayer. Et la pièce Here Comes the Pain, que l'on retrouve sur l'album God Hates Us All, qui est paru en 2001 sur American Recording, Coroner, et la pièce Read My Scars, qui, elle, est sortie sur l'album No More Color, qui est paru en 89 sur Noise. Et nous avions ouvert avec la formation canadienne, ontarienne, Annihilator, qu'on a eu le loisir et le plaisir de voir il y a de cela quelques années au Metal Fest. La pièce étant Army of One, que l'on retrouve sur l'album Metal, qui est paru en 2007 sur Steam Hammer, formation qui existe depuis 1984. Et il est à noter que le seul et unique membre d'origine depuis ce temps est bien entendu Jeff Waters. Comme beaucoup de formations qui existent depuis les années 80, il ne reste souvent qu'un seul ou deux membres originaux de la formation pour bien des raisons, souvent parce que il y en a qui ont décidé de se dissocier de la musique, des fois de passer d'être à l'avant-scène à l'arrière-scène, plus précisément en studio, devenir des producteurs, devenir des ingénieurs de son, ou carrément raccrocher leur guitare ou leur baguette, ou d'autres sont simplement décédés, malheureusement. Ce soir, on a une émission qui est, comme toujours, chargée, bien entendu, de conneries, bien sûr. J'ai une chronique cinéma quand même relativement bien garnie. J'ai pas vraiment grand-chose au niveau de la musique cette semaine. J'ai pas découvert grand-chose. Il y a des sorties peut-être intéressantes à venir, là, mais sans plus. Par contre, ce soir, je vous présente deux pièces du nouvel album de cette formation suisse Triptychon. Deuxième album paru, évidemment, dont le leader est nul autre que Tom Warrior, mais de son vrai nom, Thomas Gabriel Fischer. L'album porte le nom de Malena Kasmata. Il est sorti officiellement hier sur l'étiquette Century Media. Je vais vous proposer deux pièces. Pourquoi deux pièces? Ben évidemment, parce que c'est une question de temps, et pour deux pièces, on en aura pour pratiquement 15 minutes, donc c'est quand même pas rien. Ça devrait être aux alentours de 20h15, 20h20. Mais tout de suite, allons-y. Ah oui, je voulais vous dire, malheureusement, Gustave ne sera pas là ce soir parce que Gustave est allé voir sa grand-mère. Il m'a avisé hier qu'il allait voir sa grand-mère. Donc, je n'ai pas vu encore, mais je crois que... Ah, Gustave! Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu me dis que tu es effectivement allé voir ta grand-mère, oui. Mais comment se fait-il que tu es ici si tu es allé voir ta grand-mère? Ah bah ok, parce que ta grand-mère demeure aussi dans la morgue de réanimation. Il y en a combien d'autres de ta famille comme ça qui sont ici? Ah, ils sont tous ici. D'accord. Gustave, occupe-toi de ta grand-mère, s'il te plaît. Bon, moi qui croyais avoir un seul unique fantôme dans la morgue, eh bien, j'ai la famille de Gustave au complet. Je les ai pas encore rencontrés. Bon, heureusement, c'est pas des bouches à nourrir, c'est seulement des draps à laver, donc ça pourrait être un petit peu moins coûteux pour moi de les héberger. Puis ils sont pas très, très envahissants en tant que tels. Donc, je vais obtempérer pour... Mais je vous promets pas de vous les présenter, parce que j'ai pas l'intention de tous les connaître de toute façon. Allons-y musicalement cette fois-ci avec c'est un bloc qui est un heureux mélange entre le death et le thrash metal. On va entendre des formations telles Vader, Sinister, mais tout de suite allons-y avec une excellente formation des Pays-Bas, Hasfix, avec le fabuleux chanteur Martin Van Dronen et la pièce Der Lancer qu'on retrouve sur Death Hammer. Et je dis 1, 2, 3... Go! Yeah.

cordialement invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des membres de la radio CIFOU 89.1 FM et du journal Zone Campus. Ce vendredi 25 avril à 13h30 à la Chasse-Galerie. Une consommation sera offerte pour chaque membre valide. Steve devrait arriver tous les lundis 10h. Des faits inusités, de la musique en tout genre et des critiques de films. Tout ça en compagnie de Rémi Marcotte, Anne-Marie Lemieux et peut-être même Steve. Cette année encore, les soirées cachées C'est fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est fou ou synthonisez le 89.1. Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bières situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. C'est fou. 89 ans. Well. 20h06 et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Avec moi-même, Dr. Pain Pendragon, pour encore 54 minutes ou pratiquement. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la formation polonaise of Vedder et la pièce d'ouverture de l'album de Necropolis, soit Devilizer, c'est paru en 2009 sur Nuclear Blast. La défunte formation des Pays-Bas, Guard the Throne, et la pièce de Killing is Faceless, qui est parue sur la dernière parution également de cette formation, soit Under the Sign of the Southern Cross, qui est parue en 2010 sur Metal Blade. Guard the Throne se sont séparés en 2012. Sinister, la pièce de Final Destroyer, que l'on retrouve sur l'avant. Ben, en fait, jusqu'à présent, c'est encore le dernier album, soit The Carnage Ending, qui est paru en 2012 sur Massacre. Mais le 23 mai prochain, ils sortiront de Post-Apocalyptic Servant, nouvel album qui sera également sur l'étiquette Massacre Records. Notons que pour la formation, Sinister, formation qui vient des Pays-Bas également, on parle ici, de pratiquement 11 ou 12e album complet studio. Malevolent Creation et la pièce Slaughterhouse, que l'on retrouve sur Individuous Dominion, qui est paru en 2010 sous l'étiquette Nuclear Blast. Et nous avions ouvert avec une autre formation des Pays-Bas, soit Asphyx, et la pièce Der Lancer, que l'on retrouve sur Death Hammer, qui est paru en 2012, sur Century Media. Ben, côté chronique musique, là, il y a vraiment pas grand chose. Je vous rappelle que le 29 avril, c'est la sortie du nouvel album de Aborted, cette formation qui donne dans un death grind. Formation qui vient de la Belgique. Misery Index, nouvel album pour le 23 mai. Et Sinister, je viens de le dire, le 23 mai également. L'album de Vedder, qui sortira le 30 mai, tant que lui porte le nom de TB Et Enyé. Il sera sur l'étiquette Nuclear Blast. J'ai bien hâte d'entendre ça. L'album pour les amateurs du groupe Catatonia, qui donne dans un doom rock metal progressif, formation suédoise, c'est le 19 avril. Donc, si je ne m'abuse, c'est probablement ce vendredi. Samedi, pardon. Donc, c'est un peu bizarre, samedi. C'est peut-être plus mardi pour nous autres ici. Il n'y a pas grand-chose d'autre, mis à part que effectivement l'album de Triptychon, Malena Kasmata, sortait hier sous l'étiquette Century Media. Je reviens là-dessus dans quelques minutes. Mais côté cinéma, quelques trucs que j'ai vus depuis la semaine dernière. Et, ben, pour certains, c'est assez moyen, voire pas bon du tout. Ou ben, pas bon du tout. Pas bon. Allons-y. Bon, et puis je vais commencer par celui-là, d'ailleurs, celui qui m'a plu vraiment le moins. C'était plus fort que moi. J'ai écouté, je crois que c'est le, oui, c'est effectivement le sixième volet de Paranormal Activity. Celui-là porte le titre de Market Ones. Que dire? C'est évidemment un spin-off, là, de la saga de Paranormal Activity. Donc, il y a cinq autres volets avant. Et selon moi, il n'y en a que toujours un seul de bon, c'est le premier. Le reste, principalement le cinquième, c'était vraiment horrible. C'est vraiment dégradant. Là, ça, bon, The Market Ones, je lui ai pas donné un 0. Je lui ai donné un 3 sur 10 parce que selon moi, c'est le meilleur des 5 qui ont suivi le premier. Donc, du deuxième au sixième, c'est le meilleur. J'ai donné un 3. Fait qu'il faut imaginer les autres, là. Un petit peu plus, je dirais, entre guillemets, de qualité, mais c'est vraiment pas génial comme film. La pochette est très belle. Par contre, j'ai sûrement donné au moins 2 points pour la pochette. Mais c'est pas vraiment bon. Si vous avez rien d'autre à faire, là, ben, trouvez-vous encore autre chose de mieux à faire que ça, parce que ça vaut pas le prix d'une location, ça vaut pas le prix de rien du tout. J'ai vu un film que j'ai trouvé excellent, qui porte le titre de Rommel, évidemment. On parle de Erwin Rommel, qui était une des têtes dirigeantes, mais en fait, oui, très importante au niveau du Troisième Reich lors de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, écoutez, là, je vais avoir deux chroniques qui ont rapport avec l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un amateur au niveau de l'histoire de cet événement. Non pas que j'approuve, comme j'ai déjà dit, l'acte de guerre en tant que tel, mais je trouve que cette Deuxième Guerre mondiale-là est très fascinante de par son histoire et aussi très marquante, qui porte souvent à réflexion. Donc, je m'intéresse à ces choses-là. Pour, d'un point de vue historique, bien entendu, pas parce que je vais en faire la propagande, loin de là. Par contre, Erwin Rommel, c'est un personnage qui était un fin stratège militaire, et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à rien à voir avec les atrocités qui ont été faites par principalement Göring et compagnie lors de l'Holocauste et ces choses-là. C'était quelqu'un qui était consacré à l'armée régulière du Reich et qui faisait la guerre comme on lui avait donné l'ordre de le faire. C'est un bon film. C'est un film biographique. C'est pas un film nécessairement avec beaucoup d'action et énormément de combats. Il y en a à peu près pas. C'est un film qui vient vraiment cerner la dernière année, à partir de 1944, son surnom était le Renard du désert par sa campagne en Afrique, ce qu'il aura eu à subir de la part de son Führer comme poids sur ses épaules pour... La mission était claire, les ordres étaient clairs, sur toi repose l'issue du peuple allemand et de la guerre. Donc, c'était pas rien dire, là. Et c'est l'histoire, en fait, de tout ce qu'il a eu comme embûche à affronter dans cette dernière année-là, mais pas seulement au niveau des alliés en tant que tels, des Britanniques, mais vraiment principalement de l'intérieur de sa propre armée, si on veut, avec énormément de dissensions, jalousie et conspiration. On a une séquence qui évoque la séquence aussi de l'attentat qui avait été, pas raté, mais qui avait raté son but, l'attentat contre Hitler, qui devait se faire la tanière du loup, si je ne m'abuse. Et, les accusations ont été portées, les hautes trahisons, et tout. Et lui, il a payé énormément, même de sa vie, pour des choses qu'il n'avait pas fait, qu'il n'avait encore moins endossées, et qu'il avait même désapprouvées. Donc, c'est un film assez bon, point de vue historique. C'est un personnage qui est très charismatique, très fort aussi. Je lui ai donné un 8 sur 10. C'est un film qui est étranger, qui me semble être un film, je dirais, peut-être polonais, difficile, j'ai pas vraiment trouvé l'origine, mais avec un scénariste qui porte le nom de Nicholas Stein von Kaminski, j'imagine que c'est pas un Québécois. Donc, ça peut l'être d'adoption, là, mais je crois pas. Donc, c'est un bon film. C'est en DVD Blu-ray. C'est bien fait, c'est le souci du détail est là, et ça prouve énormément, encore une fois, que l'humain est toujours très avide de pouvoir, au détriment de tous et de chacun. Série fort intéressante, qui est la 6e saison, celle de Sons of Anarchy. Je ne l'ai pas terminée encore, quoique je l'achève, parce que je l'ai pris sur le tard. Et je dois dire que les précédentes, soit les 5 autres, m'ont bien plu. Ce qu'il faut savoir avec Sons of Anarchy, bien entendu, c'est une série télévisée qui traite d'une bande de motards, les Sons of Anarchy, et de leurs diverses magouilles, mais aussi leurs diverses dissensions, encore une fois ici, au sein de leur club, pour être capable d'atteindre la direction de ce club, d'avoir les alliés nécessaires pour pouvoir évoluer, d'amener ses propres idées, mais aussi de les faire valoir et de les exécuter, bien entendu. Et ici, exécuter, il y a un jeu de mots, bien sûr. C'est une bonne série. C'est pas une série très cérébrale, on en convient pas du tout. C'est une série d'action, c'est une série qui nous fait vivre un aspect qui, pour la majorité d'entre nous, n'est pas très, je dirais, connu. À noter qu'il y a de véritables mentors, probablement pas criminalisés, mais de véritables mentors qui ont joué sur cette série. On reconnaît certaines têtes, comme Ron Perlman, bien entendu, qui est un acteur qu'on a vu dans de nombreuses productions, qui est excellent aussi dans ça. La 6e saison, si ce n'avait pas été qu'on a axé énormément sur le côté, le profil psychologique des personnages, mais de façon plutôt individuelle, j'aurais peut-être trouvé une certaine redondance. Évidemment, après 6 saisons, des fois, on fait le tour assez rapidement. Mais ici, ça donne une nouvelle fraîcheur à la série et ça lui donne une dynamique qui est de renouveau, si on veut. Donc, je trouve que jusqu'à présent, cette série-là se débrouille très bien. Beaucoup de conspirations, beaucoup de magouilles, beaucoup de problématiques et beaucoup de personnages pas mal tordu, je dois dire, là, qui même fait office de représentants de la loi, qui sont, ma parole, peut-être plus criminalisés que les menteurs eux-mêmes, là. Donc, c'est une série de FX Networks. Jusqu'à présent, je lui donne un 8 sur 10. Je crois le maintenir, mais il ne reste pas beaucoup d'épisodes à écouter. Et puis, je pense que ça vaut la peine d'écouter cette 6e saison. Parce que je peux pas vous dire si elle est précurseur d'une 7e, mais j'espère que non, honnêtement. Je pense que on devrait mettre un terme à cette saga de Sons of Anarchy. Un film qui est en salle présentement, qui est un film d'horreur, qui est Derek Lee et Cliff Prowse. Il s'agit de Afflicted. Je ne peux pas vous dire de quoi il en est. C'est simplement, c'est un voyage autour du monde pour deux amis qui prennent une tournure effrayante après leur rencontre avec une femme à Paris. Donc, on parle ici, bien entendu, d'une forme de contamination, d'affliction, bien sûr, comme le titre le dit. Et ça semble être assez moche. Donc, c'est à surveiller, c'est en salle. Je peux pas vous dire exactement si c'est quelque chose qui est recommandable, j'en ai aucune idée, mais je vous dis que c'est en salle présentement, Afflicted, qui est un film d'horreur, trailer, bien entendu. Autre chose que j'ai écouté, c'est un documentaire de la BBC qui est vraiment excellent, qui est en 3 volets, donc ça dure pratiquement 3 heures. C'est The Dark Charisma of Adolf Hitler. Et encore ici, je précise que je ne suis pas là pour faire la propagande de quoi que ce soit, mis à part du métal, bien entendu. Mais ici, c'est très intéressant et excessivement bien fait comme documentaire. Et ça nous montre un volet du personnage que je crois que tout le monde a entendu au moins une fois le nom de Adolf Hitler, qui était bien entendu le Führer, et Führer se traduit par guide, si on veut, du peuple allemand du début des années 30. En fait, je dirais principalement activement de la mi des années 30, aller jusqu'à la chute de Berlin, soit en 1945, chute provoquée bien entendu par les Alliés, mais principalement Berlin par les Russes. Et ici, on voit l'ascension de ce personnage, de son implication politique au départ et de la façon dont il s'est frayé un chemin de façon, je dirais, fort astucieuse jusqu'au plus haut commandement, jusqu'à en destituer le gouvernement allemand qui faisait toujours office en fait, d'existence, mais simplement pour, je dirais pour la forme, parce qu'il n'avait plus aucun contrôle, il n'avait plus aucun, aucun pouvoir, si on veut. Tout passait par le Führer. Et c'est vraiment un personnage qui est excessivement marquant dans l'histoire de l'humanité, mais pour de bien mauvaises raisons. C'est la personne, c'est une des, un des personnages historiques possiblement des plus diaboliques qui a foulé la Terre. On lui attribue des millions et des millions et des millions de morts, non pas simplement par les actes de guerre, mais bien par des crimes contre l'humanité. On lui attribue aussi de grandes choses, on doit lui dire, parce que c'est un grand visionnaire jusqu'à un certain niveau, au niveau de son Allemagne. En fait, lui était autrichien de naissance, mais on s'entend que l'Autriche a été annexée, et lui s'est efforcé, dès ses premiers actes de guerre, de réannexer l'Autriche, entre autres, à l'Allemagne. Il a fait des choses, il aura provoqué, pas lui-même, il aura provoqué des percées technologiques importantes au niveau du peuple allemand, qui aujourd'hui, nous en profitons toujours. Il aura provoqué aussi, côté architectural, des choses qui sont assez magistrales. Par contre, il a complètement tout bousillé par son attitude. C'était quelqu'un qui avait un charisme jusqu'à un certain niveau assez extraordinaire. Il avait la possibilité d'endormir n'importe qui avec ses belles paroles, mais avec énormément de conviction d'ailleurs. Et il le disait ouvertement, la seule et unique personne à qui je me fie est moi-même, et je crois plus que tout en moi-même. Donc, et je pense qu'il aura, pendant une courte durée, évidemment, prouver qu'il pouvait le faire, mais de façon désastreuse, évidemment. C'est de la BBC. La BBC nous pond souvent et très souvent d'excellents documentaires, donc je lui donne facilement un 8.5 sur 10. Le film que je vous propose de revoir ou à découvrir cette semaine est un film de Stanley Kubrick et nul autre que le grand classique A Clockwork Orange, qui est paru en 1971 et qui met en vedette, entre autres, Malcolm McDowell. C'est un film auquel j'accorde un 8 sur 10, qui est un film dérangeant pour certains, mais en même temps fort original et excessivement bien fait. Film qui se déroule au 20e siècle, alors qu'une une violence totale et le sexe règne dans les rues. Donc, un jeune et sa bande vont tenter de s'y faire une place, mais ça dégénère assez rapidement dans tous les cas. Donc, je dis que A Clockwork Orange est un film qui est un incontournable pour les amateurs de cinéma fantastique, pour les amateurs de cinéma qui sont éclatés. Stanley Kubrick l'a prouvé, c'est un excellent cinéaste. C'est à lui qu'on doit, entre autres, l'Odyssée de l'espace, qui est un chef-d'œuvre de la science-fiction. Donc, je crois que vous devriez vous permettre de connaître ou de redécouvrir ce film, A Clockwork Orange, 1971, signé Stanley Kubrick. Maintenant, allons-y avec notre présentation de la semaine, qui est de cette formation, je dirais, qui donne dans un doom metal, dark metal. Il s'agit de la formation suisse Triptychon, qui met en vedette, bien sûr, Thomas Gabriel Fischer, qu'on a reconnu précédemment, il y a, ma foi, une trentaine et plus d'années au sein de Celtic Frost. Maintenant, il évolue avec une nouvelle formation depuis 2008. C'est le deuxième album de Fischer, parce que c'est lui vraiment le leader. Deuxième album complet, en 4 ans. Malena Kasmata. C'est un album auquel j'accorde facilement, la note, de 8 sur 10. Je trouve très original ce qu'il fait maintenant. Je trouve qu'il a trouvé vraiment son créneau musical. C'était inutile de continuer Celtic Frost. On a vu ce que ça l'avait donné il y a quelques années. Je pense qu'avec Triptychon, il exploite bien sa créativité musicale, sa créativité, si on veut, littéraire, si on peut dire ainsi, parce que c'est un gars quand même qui aime beaucoup de choses. Donc, on va aller explorer deux pièces de cet album, Malena Kasmata, qui est paru hier sur l'étiquette Century Media, soit les deux premières pièces, Tree of Suffocating Souls et Baleskin House. Triptychon, go! We'll be right back.

De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, pis là j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique pis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. L'émission The Undead Incorporated Show Réanimation tire à sa fin tranquillement. Avant cette pause publicitaire, on a eu le plaisir, en fait, ça l'était pour moi, j'espère que c'était la même chose pour vous, sinon tant pis, d'écouter les deux premières pièces d'ouverture de ce très bon album, la formation suisse Triptychon, soit Marlena Kasmata, qui est paru hier sous l'étiquette Century Media, deuxième parution studio pour Triptychon. Entendu les pièces Boleskine House et la pièce d'ouverture Tree of Suffocating Souls. Je trouve ça vraiment bon. Comme je le disais, je lui ai attribué un 8 sur 10. La qualité d'enregistrement est vraiment excellente. Et on a encore le droit d'une belle présentation graphique qui me semble tout à fait être signée de H.R. Giger, un artiste qui semble être prisé de par Thomas Gabriel Fisher. On l'a revu, c'est lui qui a illustré il y a un certain nombre d'années, 1985 si je ne m'abuse, To Megatherium de Celtic Frost. Donc, je vous recommande de vous procurer cet album-là, évidemment, si vous aimez le genre, bien entendu, de façon rapide, parce que j'ai entendu dire qu'il n'y avait que 2 exemplaires de sortie dans le monde. Et j'en possède un. Et le deuxième, ben, je vais le faire tirer tout à l'heure. Mais non, c'est une blague. Donc, ceci étant dit, la semaine prochaine, je vous propose quelque chose d'autre qui est le premier single disponible de ce qui sera la prochaine sortie de la formation grecque Septic Flesh. L'album sortira le 20 juin prochain sous le nom de Titan. Et le premier extrait est Harder of Dracul. Ça risque d'être fort intéressant, donc je vous propose ça pour mardi prochain. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ben, ça, c'est une formule du Rockmaster. Je devrais pas emprunter ça. Cette semaine, à Rock Classique, nous vous présenterons une émission évidemment consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock sous toutes ses formes, ou à peu près les meilleures pour le moins. Mais bien sûr, nous avons un spécial, le Pâques, c'est-à-dire que le Rockmaster sera déguisé en poussin jaune, très jaune. Mais pour vous, ça changera absolument rien parce qu'il est à la radio, donc vous ne le verrez pas. Mais moi, je vais bien me bidonner, par exemple. Et moi, je serai déguisé en rien du tout. Non, c'est pas vrai du tout. On va avoir une bonne émission pour ce Vendredi Saint. C'est quand même... c'est cool. Rock Classique tombe toujours le Vendredi Saint. Je sais pas pourquoi. Et là, on va avoir une bonne émission de rock pour vous autres, bien entendu, ce vendredi. On va poursuivre musicalement, mais là, comme c'est parti, là, on va avoir le temps peut-être d'écouter seulement 2 pièces. Je le sais pas. Quoi qu'il en soit, on va tenter de faire un maximum. On va débuter tout ça tout de suite. C'est ça. Avec la formation américaine qui donne dans un death metal assez grassouillet, soit Incantation et la pièce The Aliens Genesis. Go! Pourquoi cette pièce? Simplement pour vous montrer que même les groupes death metal extrêmes peuvent faire des orchestrations et des arrangements qui sont tout à fait sublimes. C'était Gorguts et la pièce de Battle of Chendo. Et ne vous y méprenez pas. Il ne s'agit pas de keyboards, mais bien de véritables strings, de violoncelles et de violons par de véritables musiciens. Donc, c'est tiré de l'album Colored Sand. Je trouve cette pièce totalement magistrale. Juste auparavant, nous avions Incantation et la pièce des Aliens du Genesis, qu'on retrouve sur dernière parution. Cette formation américaine, soit Vanquish in Vengeance, qui part en 2012 sur Listenable. Je vous rappelle que, ben, peut-être qu'il y en a d'entre vous présentement qui ne sommes pas à l'écoute, mais vous pourrez réécouter le podcast, la balado-diffusion, puisque vous, ça, y avez toujours accès sur le site de réanimation AD.com. Et c'est peut-être parce que vous êtes ce soir au spectacle de Destruction, Crazion X Mortus, qui se tient présentement au Foufounes électriques, que je vous rappelle que, aussi, BCI vous propose le 30 avril prochain, un mercredi, de 18h30, un spectacle pour tous, c'est le Pagan Fest America Part 5, qui met en vedette Carpic Lani, Torisas, Tonic, Vague et Winter Hymn, au coût de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes via Ticketmaster, c'est au Metropolis. Je vous laisse sur une dernière pièce, qui est la formation Blood Red Throne, la pièce Grave World, tirée de l'album Brutalitarian Regime, qui est paru en 2011 sur Svared Records. Je serai là la semaine prochaine, et d'ici là, je vous dis, bien entendu, allez tous vous faire foutre! Go!